Donc là, aujourd'hui, on va lire les six usul allati labud ma'rifa al qawa'id nam allati labud ma'rifatiha. يقول القاعده الاولى اسم دو 6 d'accord 6 règles. اولا يقول الحكم بما انزل الله فرض عين على كل مسلم ويتضمن 6 اصول. première règle, c'est que le juger avec ce qu'Allah fait descendre est une obligation individuelle pour chaque musulman. Cela incombe à chaque musulman. Quel que soit son statut, son rang, il doit agir de la sorte, en mesure de son niveau. Et cela se base sur 6 points qu'il va donner. Awalan, wujub al-hukm bi shar'illah, qui est obligatoire de juger avec la sharia. La loi d'Allah Azza wa Jal. Qala ta'ala, wa nihkum baynahum bima anzal Allah, ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون. Donc il a dit dans le sens Allah Azza wa Jal, et juge entre eux parce que Allah a fait descendre, ne suis pas leur passion, et prends garde qu'ils ne te détournent justement parce que Allah a fait descendre sur toi. Là c'est un khitab pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui valable pour nous tous. Si jamais ils se détournent, alors sache que c'est Allah qui veut les éprouver pour certains de leurs péchés. Et la plupart des gens sont des pervers. Regarde bien, comme dans le verset le dit, que beaucoup se détournent de cela. Pourquoi? Car Allah éprouve leur cœur pour des péchés qu'ils font. Donc ces gens-là qui refusent ce genre de choses, c'est à cause de leurs péchés. Que soit celui qui ne juge pas par la charia, ou celui qui veut rendre mécréant celui qui ne juge pas par la charia, injustement, sans reconnaître les règles. Les deux, ils sont englobés par ce verset. Là, c'est le premier point. Al-Asasani, wujub al-tahakum ila shari'illah ta'ala ma'arada wa taslim li shari'ati. Qui est obligatoire de juger justement par cette législation et en agréant cela et en s'y soumettant totalement. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt yusallimu taslima. Non, par ton Seigneur, ne croiront pas. C'est même ce verset-là, on va en discuter plus tard. C'est-à-dire d'une foi parfaite. Tant qu'ils ne te feront pas juger dans leur litige, d'accord, et qu'ils ne trouvent en eux aucune gêne de ce que tu auras aimé comme jugement, et qu'ils s'y soumettent totalement. On dit ça à les femmes, verset 65. Hukm, c'est toi tu appliques. Tahakum, c'est aller trancher entre toi et quelqu'un d'autre. Cherchez le jugement, justement. Si toi et moi, on a une divergence, par quoi on est tranché? Par les jugements de l'islam. Coran et la sunna. Et une fois que tu as su cela, qu'est-ce que tu fais? Tu appliques le jugement. Alors, c'est ça, Alice. Toujours dans la première corrida, hein, tout ça. Al-wa'id liman lam yahkum bi shar'illah ta'ala. Maintenant, la menace qui plane, c'est celui qui n'aura pas agi de la sorte. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَفِي آيَةٍ فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَفِي آيَةٍ فَأُولَيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Donc celui qui ne juge pas parce qu'Allah fait descendre, alors ceux-là, à la base, quiconque ne juge pas parce qu'Allah fait descendre, alors ceux-là sont les mécréants. Et ceux-là sont les injustes. Et ceux-là sont les pervers. Sont les ma'ida. Comme ça dit sur le verset 44, 45 et 47. Sur ces versets-là qui sont le point de litige. Donc le débat se retourne d'elle principalement. Alors ça rabia. Al-hazar min mukhalafat amrillahi ta'ala wa rasoulihi sallallahu alayhi wa sallam. De prendre garde à ne s'opposer à l'ordre d'Allah. Ainsi que celui de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Dalil, فَلْيَعْذَرْ أَلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ne te prennent garde que ceux qui s'opposent à son ordre, qui ne sont atteints d'un trouble, qui ne sont atteints d'un dur châtiment. Surat An-Nur, la lumière, verset 64. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a bien dit également, « J'aurai là un sirar ou un zilla à la man khalafa amri. » Que celui qui s'oppose à mon ordre sera éprouvé par quoi? Par l'avilissement et le rabaissement. Al-As al-Khamis, troisième fondement. « Hukmullah tabaraka wa ta'ala ahsan al-ahkam. » Le jugement d'Allah, c'est le meilleur des jugements. « Afa hukm al-jahiliyati yabghoun wa man ahsan min Allah hukman li qawmin yuqinoun. » Est-ce donc le jugement de la jahiliya qu'ils veulent et qui est donc de meilleur jugement qu'Allah? Al-Ma'ida, tabl al-Sa'id, verset 50. Al-Asl al-Sadis, Maja min ahkam shad'iyya min indillah fawwa ruh wa nour. Tout ce qui vient comme règle liée à la loi d'Allah Azza wa Jal sont une lumière. Et c'est ça la vie, la vraie vie. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا تهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم. Est-ce que nous t'avons révélé est un souffle de notre ordre et tu ne savais pas ce qu'était le livre ni même la foi, c'est-à-dire avant que le wahy ne te vienne. Cependant nous allons faire une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et certes, tu guides vers un chemin droit. C'est-à-dire, hidayat. Aïe hidayat, c'est quel guidé? Ah! Tawfiq? Irshad. Wa dalala. Aïe wa tawfiq, c'est le d'Allah Azza wa Jal. Shura, la constitution verset 52. Non. القاعدة الثانية وقوع المرء في شيء من المكفرات لا يلزم منه كفره. Deuxième règle, que le fait de tomber dans de la mécréance n'implique pas forcément que tu sois mécréant. Takfir. Et cela est valable même pour la bid'a. Ce n'est pas toute personne qui tombe dans la bid'a qui vient de te dire. Et pour le fisc, كذلك. نحن نركز على الكفر الآن car le takfir de mu'ayyan, c'est-à-dire le takfir d'une personne en particulier et non pas à kalam général, هذا يحتاج إلى إقامة الحجة. Il faut que la preuve soit parvenue à la personne. كما خذنا مرارا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. N'ont pas châtié avant d'avoir envoyé un messager. Et là, c'est-à-dire dans le verset comprendre, par le sens du messager ici, on va envoyer la preuve à quelqu'un. Donc, il dit plus tard, plus bas, « Aqul wa iqamat al-hujja ta'ani ta'akkud min tawaffur shurut takfir mu'ayyan. » Donc, établir la preuve, lui faire parvenir, cela pour confirmer que les conditions le takfir soit réuni et que les empêchements sont absents de cette personne-là. Par exemple, al-ilm, al-munafi al-jahl. C'est-à-dire la personne, dans ce qu'elle fait, elle a l'ilm, elle sait ce qu'elle fait. Elle n'est pas ignorante. Al-qasd, al-munafi al-khata. Ce qu'il fait, il l'a fait délibérément. Il ne l'a pas fait par erreur. Car celui qui agit par erreur, وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. Il n'y a pas de grief sur vous, ce que vous avez fait par erreur, ce que vous avez fait volontairement. C'est là qui vous coûtera quelque chose. La personne peut tomber dans le couffre sans faire exprès, sans le savoir. Sans s'en rendre compte, plutôt, on va dire. وَلَاخْتِيَارْ الْمُنَافِلِ الْكَرَهْ qu'il a fait cela de son propre chef. Ce n'est pas une chose par laquelle il a été contraint de faire malgré lui. عَدَمَ تَأْوِلِ السَّائِعَ المنافي لوجود التأويل السائر. C'est-à-dire que dans ce qu'il fait, il n'y a aucune interprétation. Contrairement à celui qui ferait une chose et qui aurait avec lui une interprétation. D'ailleurs, beaucoup de gens, parmi les gens de la bid'a, sont tombés dans le kufr, mais ils avaient un ta'wil sa'ir. Ils ont dit, ce qu'il a fait c'est grave, c'est une faute, on ne peut pas le rendre mécréant parce qu'il a un ta'wil. Dans le test qu'il a pris, il y a un wedge qui amène ce qu'il est pensé comme cela. Après le ta'wil, à la personne, tu l'expliques. S'il a un ta'wil, tu fais un rod, son ta'wil fa'acide. Après, il doit accepter. S'il n'a pas accepté, tu as déjà fait un ta'wil et personne ne leur a montré que leur ta'wil était fa'acide. Ça explique le fait que beaucoup ont fait du zan d'accord, mais que l'ulama n'est pas d'idée que c'est des koufars. Donc ça, c'est les shurut de façon générale. Donc c'est ça la deuxième qa'ida. Que ce n'est pas toute personne qui fait du kufr qui devient forcément mécréant. Un qa'ida al-thalitha, troisième règle. Kufr al-hakim la yalzam minhu jawaz al-khuruj alayhi. Que si maintenant le dirigeant venait vraiment à faire du kufr réel qui sort de l'islam, cela n'implique pas forcément la permission de sortir contre lui non plus. Car cela ne peut se faire qu'avec des shurut. Des shurut. Awalan, l'auteur a cité 5 shurut. Wuku'uhu fil kufri al-bawah al-lazi indana min Allahi fihi burhan. Qui tourne dans une mécréance claire, limpide, qu'il n'y ait aucun doute à son sujet, pas l'interprétation, rien du tout, c'est clair. Et pas comme les gens se l'imaginent, eux. Et ça, c'est une chose, c'est le ulama qui vont vraiment te le décréter. Deuxième condition, iqamat al-hujja alayhi, que la preuve lui est parvenue de ce qu'il fait. Thalithan, al-kudra al-izalati, que les gens sont en mesure de pouvoir l'écarter de son poste, de sa fonction. Rabi'an, al-kudra al-tansib muslim makana, et que il soit possible de mettre un autre musulman meilleur que lui à sa place. C'est-à-dire le badil, il est présent. C'est pas les gens sortent le hakim pour dire qui on met. Il y a déjà un badil. Les gens savent que lui, il est apte à faire la chose, il est meilleur que l'autre. C'est pas pour penser pour un pire que lui ou un comme lui, c'est pas la peine. Khamisan, ala yatarattab ala hadha al-khuruj mafsada ala al-muslimin a'zam min mafsadati baqa'ihi. Et que cela ne doit pas engendrer, c'est-à-dire son khuruj contre lui, un mal plus grand sur les musulmans que sa présence. Et ça, c'est l'un des principaux points qui amène à ce qu'on ne sorte pas contre le hakim. Muslim, même awla, même kafir. Que souvent, ça mène à de plus grands problèmes par la suite. Et Shia Mokbil, il a dit un short à Akhar qui est très important, et c'est vrai, que pour cela, la yusta'an bil kuffar ala zalika. Qu'on n'a pas à chercher de l'aide avec les koufars pour cela. Ils ne rentrent pas dans nos affaires. Car le kafir, tu vas t'aider à mettre un musulman meilleur par la suite. Il va s'immiscer, il va vouloir mettre la démocratie ou mettre ses lois à lui. Et après, il va vouloir prendre le contrôle. Donc le kafir, il ne rentre pas là-dedans. Car, choufou, même dans un pays de koufre, où le hakim, c'est un kafir asli, de base, un mécréant de base, on n'est pas là pour semer des ordres. Chez les koufars eux-mêmes, dans leur pays, lorsqu'on y vit, nous ne sommes pas là pour semer le désordre. On ne le fait pas, les gens ne le font pas en France, ils ne le font pas en Amérique, ils ne le font pas en Angleterre, ils ne le font pas en Allemagne, ces pays-là. Pourquoi se permettent-ils donc de le faire en pays d'islam, là où il y a leurs frères autour d'eux? Parce que pour eux, lorsque tu es dans un pays d'islam, et que par exemple on dit que le gouverneur soit vraiment un murtad, c'est la révolte automatiquement. On dit là, il faut regarder cela. Et on a pour exemple, on cite souvent l'exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme exemple? La Syrie. Le hakim, c'est un kafir. Regarde ce qui s'est passé avec le khourouj contre lui. La Syrie, aujourd'hui, elle est dévastée. La Libye. Vous voyez? Al-Qadhafi, c'était un kafir. Fialan. Mais regardez maintenant, les gens se sentaient contre lui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le pays est divisé. Ils savent même plus qui est leur gouverneur en réalité. Et ils se battent. Sortira le pouvoir. C'est la guerre entre les musulmans. Ah, c'est venu un mal plus grand encore derrière. Donc nous, dans un pays qui est un pays d'islam de base, et que le hakim devenu kafir al-fi'lan, ou alors dans un pays de kufr de base, où les gens sont des kuffars, et le hakim c'est un kafir, nous, à ce moment-là, notre droiture n'est pas par obéissance pour lui. Là. Adha lillah. كما قال تعالى ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها انه سمي بالارض sortir après qu'elle ait été réformée انه لا يحب المفسدين كلا نم با لي جون كي سمبل لو ديزوردر دونك اون غاد لا مصلحة عامة لانتيري جينيرال اون نم با ا كومون دير كوزي دي تروبل et surtout le fait d'observer des lois qui ne sont pas des lois de l'islam forcément mais qui ne s'y opposent pas n'y a pas de mal n'y a pas de mal on n'a pas désobéi à ce moment-là à Allah subhanahu wa ta'ala لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعت لي مخلوق في معصية الخالق on n'obéit pas à la créature dans la désobéissance au créateur et là ce n'est pas le cas là ce n'est pas le cas quelqu'un on te dit en France par exemple traverse sur le passage piéton, ya akhi, c'est pas le mukhalafa à l'islam, fais-le. Ça met de l'ordre dans la circulation. C'est tout pour éviter que ça soit le bazar. Quelqu'un va dire, non, moi je traverse là, exprès. J'oublie pas au koufa. On te dit, ça sert à rien ce que tu fais là, c'est stupide. Tu te prends une voiture, tu te fais renverser, en plus tu auras tort. Alors, traverse le passage piéton, ça te coûte rien. Là. Et tu fais pas pour lui. Tu fais pour l'intérêt général. Car l'islam est venu pour protéger la vie et les biens. Pour pas qu'il y ait de tentations, ou des morts, ou je ne sais quoi. Traverse, pour ça je peux tourner, il n'y a pas de problème. Ça ne s'oppose pas l'islam. Un exemple là, qu'on donne, après, plein d'exemples. Donc, le cheikh d'islam, rahimahullah ta'ala, « Aman kana minin minin, taht, fi safra, bil ardin, huwa fiha mustad'af, au fi wakt, huwa fihi mustad'af, fal y'amal bi ayati sabr, wa safh, an man yu'zi Allah wa rasoulah, min allazina outul kitab wal mushrikin. » Donc il a dit, Cheikh l'Islam, celui qui, parmi les croyants, se trouve sur une terre, un lieu dans lequel il est affaibli, ne peut pas agir. Ou à une époque particulière où il ne peut pas agir. D'accord ? Alors à ce moment-là, il applique les versets de la patience. Il patiente. Et il pardonne. Quand on dit pardonne, ça veut dire il ne se venge pas. De ceux qui auront offensé Allah et son messager, parmi les gens du livre et les mouchikines. Comme c'est le cas, par exemple, en France, avec les caricatures. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un attentat? Non. On les tue? Non. On fait des manifestations? Non. On avertit de ce mal, on condamne le mal, on le blâme, on le désavoue, mais le reste, on ne peut rien faire. Tu ne peux rien faire. Car tu vas ramener avec un mal plus grand encore. Regardez ce qu'ils ont. Tuer ces gens-là, c'est passé par la suite, ça a été un moyen pour les koufars de pouvoir encore plus mettre la pression sur les musulmans. Donc tu peux rien faire à ce moment-là. Et à la base, manifester, de fond, à la base, c'est pas permis, de toute façon. D'accord. Maintenant, s'il y a un moyen légiféré qui permet de contester, de porter plainte et que ça aboutisse, tu peux le faire. Mais tu sais très bien que ça va pas aboutir. On dit, t'es pas chez toi ici, ici la cité, ici c'est la République, et t'es pas content. Tu t'en vas. Eh là, t'es pas content, moi tu t'en vas. Ah non, ça. Puis Allah s'en d'accord, ils ont raison. Sans quoi, amener à tuer par cela n'est pas légitime. Comme Akhavna Ams, la yunkar al munkar bima wa ankar minhu. On ne réprouve pas le mal par un mal pire encore. Là. Ala khata. Wa Cheikh Othaymin Khalf, yaqul, عن الخروج على الحاكم الكافر فدي sortir contre le gouverneur qui est mécréant إن كنا قادرين على إزالته فهينا إذن نخرج وإن كنا غير قادرين فلا نخرج لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطة بالقدرة والاستطاعة donc il a dit si jamais nous avons la possibilité de pouvoir sortir contre lui et de l'écarter alors on le fait avec les shurut qu'on a dit précédemment les conditions et si on ne peut pas alors on ne le fait pas. Car il dit, car les obligations religieuses sont sous la condition de la capacité, c'est-à-dire tu puisses le faire. Tu ne peux pas le faire, ne le fais pas. Comme la salat. La salat, tu ne peux pas la faire debout. Tu la fais comment? Assis. Tu dois jeûner. Tu es malade, tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu ronds. Pourquoi? Tu ne peux pas faire la chose. قال ثم إذا خرجنا فقد ترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما لو بقي هذا الرجل على ما هو عليه. Il dit qu'à si on sort sans toutes les conditions, probablement qu'il va s'en suivre des suites bien plus néfastes encore que sa prise de pouvoir, qui reste au pouvoir. On sera pire encore par la suite. La présence d'un hakim, même l'injuste, c'est une chose qui est primordiale. Il faut qu'il y ait un dirigeant sur le pays. Si on n'a pas, ça va venir un pays de paria, et ça va être la loi du plus fort. Et l'islam est venu pour combattre cela. D'accord? Nous, c'est Mourattab. Pays, il a un imam. À Salat, on a un imam. Dans le Hajj, même, Khubat al-Arafa, on a un imam. Dans un voyage, on a un imam. On a toujours quelqu'un qui dirige. Toujours. À la maison, c'est l'homme, le père de famille, par exemple. D'accord? Et ainsi de suite. Donc ça, c'était là. Qaïda Salissa, troisième.